Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence. On va commencer donc cette deuxième conférence d'une petite série. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là peut-être déjà la dernière fois. Oui, il y a des assidus. Voilà, en fait, on avait parlé la dernière fois des tout premiers hommes en Europe. Donc, elle était assez centrée sur l'anthropologie, la conférence précédente. Aujourd'hui, on va aborder la question de la science et de l'archéologie. Et puis ensuite, les trois prochaines conférences, elles seront données par un collègue à moi qui s'appelle Pablo Marti Corena, qui est président de l'Université populaire du Pays Basque. Il est néolithicien et il vous présentera un aperçu de la préhistoire spécifiquement du Pays Basque. Ensuite, il donnera une autre conférence sur les premiers paysans, le néolithique et la proto-histoire, toujours au Pays Basque. Et ensuite, il parlera de l'archéologie plutôt en général. Ce qu'on va faire, nous aussi, aujourd'hui, mais avec un angle vraiment particulier. Alors, ce sujet, il vient aussi, moi, de ma formation, parce que moi, je suis docteur en physique appliquée à l'archéologie. Donc, on va vraiment parler aujourd'hui de toutes les technologies vraiment de pointe que l'on a et comment on les utilise dans cette discipline qu'est l'archéologie. Je laisse personne arriver. Pardon. Il n'y a pas de souci. Alors, il faut toujours, pour introduire les choses, revenir peut-être un petit peu sur quelques points d'historiographie, d'histoire de la discipline. Il faut bien avoir en tête que pendant longtemps, et c'est encore aussi un peu un cliché de l'archéologie, cette discipline, elle visait à chercher des beaux objets. Voilà, on fouillait pour trouver le bel objet impressionnant, les édifices, etc. Alors, quand je dis depuis longtemps, c'est vraiment depuis très longtemps, parce que la pratique de la fouille archéologique, elle est très ancienne, on la connaît même depuis l'Antiquité. Juste à titre d'exemple, on a un fils de Ramsès II qui lui-même avait mené des fouilles archéologiques. Alors toujours, ces démarches, elles avaient un but, c'était d'asseoir leur pouvoir et de montrer l'ancienneté des dynasties, par exemple. Mais l'objectif, il était vraiment centré là-dessus. Aujourd'hui, on en est bien loin. Et l'archéologie aujourd'hui, c'est plus une discipline qui va chercher à reconstituer l'histoire des sociétés passées et leur interaction avec leur environnement. C'est un peu le pendant au passé de ce qu'on appelle l'ethnographie aujourd'hui. On va observer ces peuples, ces civilisations, et les voir dans un ensemble. Donc non plus s'intéresser uniquement au bel objet, qui d'ailleurs était très souvent associé uniquement à une élite. Alors toujours quelques petits points d'histoire. Là. Donc cet objectif, il passe évidemment par la fouille sur le terrain. Et ici, on a une image de site en cours de fouille. C'est le campement de Pincevent, qui est un site magdalénien, les environs de 14 000 ans avant notre ère. Et là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde sur une petite superficie, que la fouille est très fine, très organisée, en carroyage, etc., comme ça. Donc, toute cette méthode, elle est très affinée. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est bien loin des sites qu'on pouvait creuser pour trouver le beau biface. Et ça a été une lente évolution. Je vais vous donner un petit exemple aussi très local, par exemple sur les fouilles de Isturitz ou même du site de Ola à Cambo. On peut retrouver encore aujourd'hui dans les déblais, donc tout ce qui avait été déblayé par les fouilles passées d'il y a au moins un siècle, des pièces, des objets, des vestiges d'animaux qui aujourd'hui ont un intérêt archéologique. Mais à l'époque, ils étaient complètement jetés par les préhistoriens à la poubelle. Voilà, alors ce site, cette méthode, elle est aujourd'hui très très classique. Mais par contre, ce site, il fait vraiment cas d'école. Parce que c'est sur ce site-là que André Leroy-Gourhan, à partir de 1964, a vraiment établi cette méthodologie de fouille sur ce site de Pincevent spécifiquement. Donc c'est assez tard quand même que c'est venu, et c'est la première fois qu'un archéologue s'est vraiment intéressé à la répartition des vestiges sur un site. Et ça, évidemment, ça va apporter vraiment de nombreuses informations, Et ici, vous avez une reconstitution très récente de ce que pouvait être le site de Pincevent à l'époque. Alors, c'est pas du tout une vue de l'esprit. On a vraiment pu, au travers de cette fouille minutieuse, mais aussi des analyses après en laboratoire, etc., reconstituer différents espaces sur ce site avec notamment les emplacements des tentes, les campements et les zones d'activité de taille pour produire des outils, par exemple. On a identifié aussi des zones d'activité de dépeçage des bêtes, etc. Et on a pu aller loin dans l'interprétation de ce site. Et en fait, c'était vraiment un campement multiple, hein. Donc vraiment un lieu de chasse commune. Et ensuite, on pense que le gibier était dispersé entre les différentes groupes d'humains, par exemple. Donc voilà un petit peu jusqu'où on peut aller grâce à l'introduction de toutes ces stratégies scientifiques. Mais alors aujourd'hui, ça c'était vraiment une introduction, on va aller encore plus loin. Je vais vous présenter beaucoup ce qu'on fait en termes de méthode depuis la prospection, donc depuis le moment où on va imaginer, fouiller un site ou comprendre l'environnement, jusqu'au laboratoire et qu'est-ce qu'on peut extraire, je dirais, de meilleur des objets archéologiques qu'on trouve aujourd'hui. Tout cet ensemble d'études, c'est une discipline à part entière qui s'appelle l'archéométrie. On comprend vite. Voilà. Donc, on va mêler vraiment la physique, la chimie et l'archéologie. Alors, j'insisterai beaucoup sur ce point. C'est pas les physiciens d'un côté et les archéologues de l'autre, parce que sinon, ça fonctionne pas. On peut pas mettre l'objet dans une machine. Il va pas lui seul raconter des choses. C'est vraiment l'ensemble de cette approche qui va permettre de produire des résultats vraiment intéressants. Alors, on va prendre point par point dans le déroulé de la conférence. Je vais d'abord vous parler un petit peu de prospection des sites. Alors, la prospection, elle a pour but de reconstituer, à partir de structures du paysage et des vestiges matériels, que l'on peut y observer ou y détecter, l'ensemble de l'activité passée des hommes et son insertion dans l'espace. Donc ça n'est pas juste trouver des lieux d'intérêt archéologique, mais c'est aussi et très souvent comprendre comment ce site il était inséré dans un espace plus global. Alors on a deux grands types de méthodes, ça va être les méthodes externes. C'est très très simple, on va observer la surface des sols, on peut le faire de la manière la plus simple qui soit en marchant. On appelle ça prospection pédestre, en regardant quand même la tête en bas, parce que sinon on risque de louper des choses. On a l'outil de la photographie aérienne qui va beaucoup aider, vous allez le voir. Et puis après on a des méthodes qui sont basées sur tous les phénomènes géophysiques qu'on va pouvoir mesurer dans les sols et qui vont être des indicateurs de structuration du paysage. Alors, la prospection pédestre, ça, c'est des clichés que j'ai pu prendre dans la vallée de l'Omo en Éthiopie. C'est une pratique très, très courante sur des surfaces qui sont très grandes, de balayer un petit peu ces sites et ces surfaces à pied et d'échantillonner, de repérer un peu les choses. Alors là, c'est un contexte, on en avait parlé un petit peu à la dernière conférence, c'est un contexte quand même géologique vraiment particulier. Parce qu'on a accumulation de sédiments, une érosion ensuite qui permet de rendre affleurant tous ces vestiges, humains très très anciens d'ailleurs. Et on a quelque part une information presque intacte, rien qu'en marchant, on peut découvrir des fonds de lac complètement intacts, aujourd'hui visibles de tous, enfin, même s'il y a peu de monde quand même qui va se balader vers là-bas. Mais dans ce cas, on va pouvoir récolter beaucoup d'informations, mais il faut bien avoir en tête que c'est quand même un contexte assez idéal. On reste toujours en Afrique, mais là on est au Mali, par exemple, où on a retrouvé dans cette zone d'Unjungu, au pays d'Ogon, beaucoup aussi de vestiges de la préhistoire. Mais attention, là la géologie est beaucoup plus remuée, si je puis dire, en quelque sorte. Donc cette prospection pédestre, elle est très délicate parce que vous prenez le risque si vous regardez uniquement ce qui se passe proche de vous, de dire n'importe quoi. C'est-à-dire que par les phénomènes géologiques, on va mélanger des couches et on va donc voir à la surface du sol éventuellement des pièces qui ne seraient pas du tout des mêmes périodes, mais qui nous apparaîtraient comme ça. Donc la prospection pédestre, c'est vraiment aussi plutôt un indicateur du fait que ce site-là aurait un potentiel, mais à être fouillé. Voilà, il faut faire vraiment attention dans les interprétations. Et puis dans nos terrains qu'on connaît peut-être un peu mieux, là c'est un site à Barzan. Par exemple, on va pouvoir avoir la chance peut-être de repérer des vestiges souvent derrière des travaux agricoles qui ont permis de remuer un peu ça. Encore une fois, le fait de remanier géologiquement ces terres ne veut plus rien dire des chronologies, mais ça reste des indices de présence de sites. Et puis ça peut paraître surprenant, mais la prospection pédestre, elle est comme tout site, toute fouille, elle est soumise à autorisation. Voilà. Oui, parce que sur un site comme celui de Barzan, par exemple, qui est très connu et très vaste, on peut imaginer que si c'était pas restrictif là-dessus, ça pourrait aller très loin. Et les amateurs d'archéologie pourraient voilà, peut-être faire quelques erreurs. Alors, on passe maintenant à la photo aérienne. Vous avez peut-être déjà vu des clichés assez impressionnants, peut-être dans les zones d'Amérique latine aussi, de vestiges archéologiques vus d'en haut. En fait, le principe, il est très simple. On va repérer des anomalies de croissance des plantes, des plantations. Ça va être des très bons indicateurs. Ici, vous voyez hein, sur ce schéma, en bas à gauche par exemple, que lorsque vous avez un fossé, alors soit naturel, soit creusé par l'homme, vous aurez tendance à avoir une croissance des plantes par le sol peut-être plus fertile, dans le remplissage de ce fossé, plus grande. Et inversement, si vous avez un mur, vous aurez un défaut de croissance des plantes. Et ça peut très très bien se voir en photographie aérienne. Bon, il ne suffit pas d'aller en ULM et de prendre une photo, il faut quand même prévoir les choses. Le mieux, c'est d'avoir une lumière rasante pour observer, par exemple, ce genre de choses. Ici, vous voyez, vous avez sur ce terrain en Charente, de manière très très visible, des grandes formations circulaires qui correspondent à des sites funéraires. Voilà. Donc après, ça ne veut pas dire que tous seront fouillés, mais ça peut permettre de voir l'étendue, par exemple, d'un site. Et parfois aussi, ça a mené à des fouilles futures. Et puis après, je vous le disais, il y a toutes les méthodes qui vont être fondées sur ce qu'on appelle la prospection géophysique. Donc on va utiliser les signaux, en fait, qui sont donnés par les sols. On va les mesurer pour refaire une cartographie, nous, avec nos ordinateurs, etc. Et essayer de repérer peut-être plus finement des vestiges. Alors, on a des grands principes. Hein. Ici, ce serait par exemple la prospection électrique. Donc, en fait, c'est très simple. Chaque sol a une conductivité électrique. Bon, comme ça arrive dans vos maisons, etc. Et celle-ci peut être perturbée par la présence de vestiges. Voilà. Donc du coup, vous allez envoyer un signal électrique et en récupérer un autre. Et par pixel, comme ça, vous allez pouvoir reconstituer un peu ces signaux. Et ensuite, les spécialistes de cette discipline vont pouvoir les interpréter. Concrètement, sur le terrain, ça se passe comme ça. Ça fait un peu agricole, hein, avec des gros tracteurs. Voilà, on va, comme je vous le disais, envoyer des signaux et récupérer l'information d'autre part. Là, je vous parlais de la prospection électrique. Pour la magnétique, c'est exactement la même histoire. Vous voyez en bas à droite, on a une représentation de la sphère terrestre. Vous savez que le noyau de la Terre va permettre de produire un champ électromagnétique à la Terre. Et donc, toujours de la même manière, la présence de structures va perturber ce signal électromagnétique que l'on pourra mesurer. Donc plus on pourra coupler les méthodes et plus ce sera intéressant aussi. Alors, je vais vous donner des exemples vraiment sur des sites très très très connus où il y a eu, parce que évidemment, beaucoup de moyens et donc les résultats vont être assez impressionnants. On va d'abord parler du site de Stonehenge, voilà, mégalithique en Angleterre, qui a évidemment été très étudié. On connaît beaucoup beaucoup d'hypothèses. Aujourd'hui, on va pas aborder ça. On a surtout travaillé à le dater, ce site. Donc, il date entre 2800 et 1100 avant notre ère. Mais récemment, il y a un grand, grand projet qui visait à essayer de prendre un peu de recul et de voir comment ce site mégalithique s'intégrait vraiment dans son paysage. Et d'ailleurs, si c'était un site isolé ou pas. Alors ici, vous pouvez avoir une aperçu de photos aériennes du site de Stonehenge. Son emplacement et l'ampleur du travail qui a été mené. Voilà, donc, tout ce terrain a été prospecté avec une méthode magnétique cette fois. Voilà, comme je vous avais montré en schéma, ici vous avez la représentation de comment ça se passe très concrètement. Et voilà un petit peu les résultats qu'on peut obtenir. Donc on va superposer sur une cartographie nos résultats. Alors, j'ai noté que voyez-vous, je pense que c'est pas si évident. Là, on se rend compte que voilà, derrière l'explication qui semble assez fluide, c'est difficile à interpréter. Bon, vous êtes loin aussi, donc je vous pardonne. On a quand même une trentaine de structures qui ont été repérées. Là, je vous donne un zoom. Ça donne à peu près ça. Donc, on arrive à identifier quand même que ce sont des structures circulaires. Et qu'il se passe des choses. Alors, est-ce que le type de matériaux, pour nous, que je ne suis pas du tout une spécialiste de cette méthode, c'est quand même difficile à interpréter aussi. En fait, voilà l'interprétation qu'on nous en a donnée. Il s'agit de structures circulaires qui présentent toujours la même configuration. On a des trous de poteaux, comme ça, qui venaient supporter donc des grands poteaux en bois avec deux entrées. Et cette structure est elle-même entourée de fossés. Donc aujourd'hui, on a même pu aller jusqu'à ce type de reconstitution. On sait donc que le mégalithisme de Stonehenge, il est entouré de ce type de structure. Maintenant, l'étude, elle est très récente. Il y a des hypothèses, on n'a pas pu aller encore beaucoup plus loin. Mais par contre, c'est vraiment le début d'une grande étude sur la compréhension de son site, de ce site dans son ensemble. Ensuite, une autre application, je pense que vous connaissez le site très fameux de Angkor au Cambodge, voilà, qui était vraiment les capitales de cet empire khmer entre le 9e et le 14e siècle. On sait que les édifices qu'on a rafraîchis un petit peu, ils sont envahis complètement par la végétation. C'est d'ailleurs ce qui fait tout le charme aussi de ce site. Et il faut bien avoir conscience que là, on est en présence d'un site à très très grande échelle et qui est enclavé dans un immense espace de forêt. Donc ici, il sera absolument pas possible de faire de la photo aérienne. Vous allez voir de la végétation, balayer le terrain en tracteur, impossible. Voilà, donc bon, c'est aussi un site classé UNESCO. Il y a des grands, grands moyens qui ont été mis à disposition pour, encore une fois, essayer de le comprendre un peu mieux et de le préserver. Le site d'Angkor, il est très connu parce qu'on voit ici tout un système hydraulique donc, qui, clairement, a été façonné par l'homme. Hein. On peut avoir des angles droits comme ça. Voilà, donc on sait aussi que c'est une grande spécialité des dynasties de cette époque, mais à quelle ampleur, ça on le savait un petit peu moins. Ça, c'est le type de photographie qui a pu être obtenue par la NASA. Et puis ici, c'est en zoom, ici vous voyez, hein, déjà on peut observer quand même une structure bien plus vaste que ce qu'on imaginait. Elle a été multipliée quasiment par deux, en fait, l'étendue de ce temple-là. Et ça, c'est une autre méthodologie. Je vous le disais, on n'a pas pu faire d'électromagnétisme, de prospection électrique ici. Donc là, c'est une technologie vraiment de pointe qui s'appelle le LIDAR. Donc il s'agit d'aller dans les airs et d'envoyer des rayonnements, toujours le même principe, et on aura une réponse. Et donc on peut voir l'étendue, le zoom là ici d'un lac artificiel, notamment encore. Donc ça, ça permet, je dirais à tous, de voir un peu comment sont dessinés les contours d'un site aussi majestueux. Comment ça permet de décider comment le préserver, quelle zone peut-être à fouiller en priorité, etc. Donc voilà pour cette partie de prospection. C'est un travail qui est long, quand même, il faut le dire, pour recueillir toutes ces données, etc. Hop. Alors, on revient à notre structure. Pour parler maintenant un petit peu d'une autre thématique dans notre sujet, qui est la datation. Évidemment, si vous êtes là, c'est que vous aimez bien l'archéologie. Et je pense que vous regardez notamment des reportages et on donne souvent quand même des dates au site. Et évidemment, d'ailleurs, ça nous permet de formaliser un peu tout ça. Et là, je vais essayer de vous montrer un petit peu, avoir un aperçu assez large de qu'est-ce qu'il y a derrière ces chronologies, en fait. Alors, je pense que peut-être la méthode la plus connue en datation, c'est celle du carbone 14. D'ailleurs, on parle même de révolution du carbone 14. Pourquoi ? Parce que elle date des années 50 à peu près. Jusque-là, les chronologies, elles étaient basées sur ce qu'on pouvait, des textes, et quand on n'en avait pas, des comparaisons de styles, notamment. Vous voyez, les chronologies antiques, etc. Mais sur rien de mesurable, quelque part. Donc même si ça enlève rien à la valeur vraiment des informations chronologiques qu'on pouvait avoir par le passé, pouvoir mêler tout ça, c'est devenu très intéressant. Et je pense que l'étude la plus marquante de la datation par carbone 14, des tollés qu'elle pouvait provoquer, c'est peut-être celle de la grotte Chauvet, en Ardèche. Elle a été découverte il n'y a pas si longtemps, hein, en 94. C'est vraiment une grotte splendide, qui présente un ensemble de 447 représentations d'animaux, 14 espèces différentes. Alors si vous voulez, les spécialistes d'art pariétal, quand elle a été découverte, cette grotte, ils l'assimilaient beaucoup à Lascaux. Voilà, dans sa splendeur, dans son style, etc. Or, Lascaux, en termes de chronologie, vous l'avez écrit en bas ici, on est plutôt vers moins 17 000 ans. Mais là, on a pu faire des prélèvements à la grotte Chauvet aussi. Donc des prélèvements divers, hein, d'ossements d'animaux, des prélèvements de charbon de bois. Il y a beaucoup de travail qui a été mené. Et aujourd'hui, il y a un consensus. Tous les scientifiques s'accordent à dire que la datation de Chauvet, elle aurait peut-être deux phases et elle serait située autour de 37 000 ans pour la plus ancienne. Donc c'est vraiment 20 000 ans en arrière par rapport à Lascaux. Donc évidemment, il y a eu quand même d'énormes débats parce que ça a été aussi difficile à digérer. Ça en fait aujourd'hui une des grottes ornées les plus anciennes du monde. Pas la plus ancienne, mais une des plus anciennes du monde aussi. Et ça a bouleversé complètement l'idée parce que vous voyez, en 20 000 ans, on passe vraiment d'un monde technologique, culturel complètement différent. Donc les hommes de cette époque étaient déjà capables en tout cas de produire des œuvres aussi abouties. Voilà pour cet exemple. Alors, quelques mots quand même sur les principes, comment ça marche, le carbone 14, pourquoi on arrive à dater avec cette méthode. Et si vous avez comme une petite BD qui vous raconte ça. Donc vous avez dans l'atmosphère constamment production de carbone 14. Alors ça, c'est dû au rayonnement cosmique. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. On a constamment du carbone 14 qui est constamment ingéré par les êtres vivants, via notamment l'alimentation. Donc la photosynthèse, les vaches vont manger de l'herbe, on va en manger, etc., etc. Donc nous, êtres vivants, ben, on est carboné, ça vous le savez. Et on a un taux comme ça constant. Lorsqu'un être vivant meurt, ce taux, il va décroître. Évidemment, puisqu'on n'a plus la respiration, on n'a plus l'alimentation, etc. Et la grande chance qu'on a, c'est que cette courbe de décroissance, on appelle ça les courbes de décroissance radioactive, on la connaît très bien. Donc en théorie, c'est très facile. Vous voyez, vous avez un axe avec un nombre de décroissance de radiocarbone. Et l'axe en bas, c'est celui de l'âge. Donc vous n'avez qu'à reporter. Voilà. Et ici, vous pouvez voir qu'on peut donc dater des éléments depuis l'actuel. On va voir après que c'est un petit peu faux quand même. L'Antiquité, du Néolithique, du Paléolithique supérieur. Par contre, vous voyez la fin de l'axe, là, on a 44 500 ans. Ça commence à être compliqué. Pourquoi? Parce que là, vous allez mesurer des quantités toutes, toutes, toutes petites. Et ça, c'est très compliqué de le reporter du coup dans ce tableau. Donc la limite d'application de cette méthode, ça va être autour de 50 000 ans. Il y a ça comme limite et puis il y a le type de matériau qu'on peut dater. On peut dater des charbons de bois, essentiellement, et des ossements et des coquillages. Voilà. Donc évidemment, il faut retrouver ça dans des sites pour pouvoir utiliser le carbone 14. Alors voilà à quoi ressemble un spectromètre de masse qui va nous servir à mesurer, vous voyez, ce taux résiduel de carbone. En fait, c'est un peu faux. Quand je dis qu'on mesure le carbone 14 qui reste, c'est là où les méthodes, en fait, c'est très compliqué. On va plutôt mesurer un rapport entre le carbone 14 et le carbone 12. Mais ça, c'est tout le monde de la radioactivité. Ça, c'est des isotopes. Donc, vous voyez, dans la pratique, c'est complexe. L'appareillage en lui-même, il parle hein, quand même, parce qu'on voit que on peut ressentir peut-être qu'on est là en train de faire des choses très très fines. Mesurer un taux de carbone dans des ossements anciens, c'est absolument pas anodin. Déjà parce que les machines sont très sensibles, donc il faut constamment les calibrer, vérifier qu'on mesure les bonnes choses, etc. Un petit peu quand nous on monte sur la balance, faut de temps en temps vérifier. Qu'elle mesure les bonnes choses. Voilà. Et puis aussi parce que l'échantillon en lui-même qu'on va recueillir sur les terrains, il est très soumis à pollution. Alors, je vous ai dit, nous, on est plein de carbone, donc si vous prenez un échantillon comme ça et que vous l'analysez après, ben, en fait, vous allez le polluer avec votre propre carbone. Donc vous allez le rajeunir. Vous voyez un petit peu? Voilà. Après, il faut qu'il ait conservé suffisamment de carbone. Il faut qu'on réussisse à l'extraire chimiquement aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation. Mais quand même, on y arrive. Et puis, l'autre chose, pour vous montrer pourquoi c'est des méthodes qui sont encore toujours en constante recherche, je vous ai dit, le taux de carbone reste absolument constant pendant tant qu'il y a du vivant. Et en fait, si c'était vrai, eh bien ici, vous verrez à la place de cette courbe bleue vraiment un trait linéaire. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Alors, c'est très facile de le comprendre avec des éléments beaucoup plus contemporains. Par exemple, vous ne pouvez plus dater d'échantillons s'ils sont plus récents que les épisodes de bombes nucléaires de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'ils ont complètement perturbé ce taux. Voilà, donc toutes ces petites variations, elles peuvent être dues à des changements climatiques, du volcanisme, à des mouvements dans les océans, etc. Et c'est pas insurmontable. On a besoin, et parfois on l'entend dans les reportages, on a besoin donc de calibrer nos résultats. Une datation carbone 14, elle va avoir un âge carbone 14 et un âge calibré. Et le calibré, ça veut dire je tiens compte de ces petites modifications qu'il y a eu en fait. Voilà. Et ces petites modifications, ces courbes, on arrive à les construire uniquement en mixant les méthodes. Voilà. Il faut vraiment avoir plusieurs méthodes de datation pour arriver à un résultat vraiment fiable. On en a une autre qui nous aide beaucoup et qui est très simple cette fois, celle-là à comprendre. C'est la dendrochronologie, donc la datation des bois. Peut-être que vous savez déjà que chaque année, un arbre va produire deux cernes. Un au printemps, un en hiver. Donc si vous avez un rondin de bois comme ça, en fait, il vous suffit de compter le nombre de cernes. Attention, c'est double. Hein, et vous aurez l'âge du bois. Mais l'âge, ça ne donne pas une date. On est d'accord. Et ici, si vous regardez à droite, vous voyez bon, plein de fluctuations comme ça. En fait, si vous mesurez la largeur des cernes, hein, que si je pars du centre vers l'extérieur, ils n'ont pas tous la même largeur. Pourquoi ? On a des périodes qu'on va appeler favorables et défavorables. Et ça, ça dépend du climat. Voilà. Et donc, on va avoir des petites fluctuations comme ça. Et comme on a des séquences qu'on appelle des séquences de référence, on va essayer de calquer tout ça et de retrouver du coup la date d'abattage du bois. Voilà. Donc très souvent dans les édifices, notamment les églises, quand on vous annonce des dates, quand on parle de siècles, de cathédrales, on a beaucoup, généralement beaucoup d'écrits, donc des choses sur lesquelles s'appuyer. Par contre, quand on est dans des édifices plus simples, etc., et qu'on connaît très bien la date, c'est très souvent par dendrochronologie qu'on a pu dater l'édifice. Alors attention, si vous voulez être très critique, vous pouvez dire « oui, mais on date l'abattage du bois ». Donc je peux stocker mon bois longtemps avant de l'utiliser dans une charpente. Voilà. Donc après, il s'agit d'être raisonnable et de croiser un petit peu toutes les méthodes pour dire des choses vraies. Maintenant, parfois, je dirais qu'on n'est pas à 50 ans près. Mais encore faut-il le préciser. Voilà. Ça, c'était une méthode un peu à part. La plupart des méthodes que l'on ait, sinon, de datation, elles vont être basées, comme le carbone 14, sur un chronomètre naturel qui est la radioactivité. Donc, elles restent quand même plus complexes dans leur pratique, etc. Ici, vous avez un tableau compliqué. Avec un axe, vous voyez tout à gauche, vous avez 0 million d'années et on arrive jusqu'à 1 million d'années. Donc on va balayer une grande période de temps. Vous voyez le carbone 14, il a une toute petite barre comme ça parce qu'on ne peut pas aller très loin, on peut aller jusqu'à 50 000 ans comme je vous l'avais dit. On a d'autres méthodes comme l'uranium-thorium, l'argon-argon. Très intéressant, l'argon-argon il permet de balayer, alors là j'ai mis une flèche parce que ça va bien plus loin que le million d'années. Par contre, il va s'appliquer uniquement à des échantillons qui proviennent du volcanisme. Donc, on ne va pas pouvoir l'utiliser tout le temps. Et après, on a tout un autre groupe de méthodes. On les appelle radiométriques quand elles sont basées sur le même principe que le carbone 14, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on connaît la courbe de décroissance radioactive. C'est tous ces principes, c'est vraiment tout ce qui régit aussi nos centrales nucléaires, etc. C'est vraiment des principes de radioactivité généraux. Et après, on a un autre ensemble de méthodes, les méthodes paléodosimétriques. Cette fois, elles vont s'intéresser à tout ce que la radioactivité a comme effet sur les objets. On va voir ça un petit peu plus loin. Là, je reparle de l'Afrique avec la méthode de l'argon-argon. À la dernière conférence, on en avait beaucoup parlé de ces premiers outils, de ces datations. Parfois on vous dit voilà, les premiers outils datent de 2,6 millions d'années. D'ailleurs très récemment, depuis la dernière conférence, il y a eu un article qui est sorti avec ce type d'industrie à 2,4 millions d'années, et cette fois en Algérie. Alors ça, c'est vrai que vous voyez, en 2 mois on avait beaucoup parlé de l'Est africain et on a des résultats aujourd'hui en Algérie, donc les choses bougent tout le temps. Et comment on date ces choses-là aussi anciennes? Voilà. Typiquement, ici, c'est la méthode argon-argon qui a été appliquée. Mais le rift africain, c'est une zone volcanique. Et je vous l'avais dit, c'est une zone où les sédiments s'accumulent comme ça de manière constante. C'est compréhensible, on sait d'où ça vient. La plupart du temps, les sites entre guillemets moins prestigieux, c'est plutôt ça. Et là, je reprends un exemple très local. Des fouilles qui ont été menées avant la construction de la clinique Capio, où on a retrouvé des vestiges archéologiques. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, des sédiments de la terre et des objets taillés. Basta. Il n'y a pas d'ossements, voilà. Donc replacer ça dans le temps, c'est très très compliqué. Et c'est là où on va s'intéresser à tout cet ensemble de méthodes qui est à droite, les méthodes paléodosimétriques. Elles ont un intérêt certain qui est d'être applicable quasiment partout. Par exemple, on va pouvoir dater les petits grains de quartz, en fait c'est comme du sable, que vous avez dans la terre. Donc si vous voulez, en prenant des échantillons comme ça tout au long de votre séquence, vous allez pouvoir dater toute votre séquence. Et si avec les géologues vous travaillez bien et que vous reconstituez bien l'histoire du site et que vous associez bien les vestiges avec leur zone d'enfouissement, alors vous pourrez retrouver l'âge de vos échantillons. On a aussi la possibilité de dater par ces méthodes des silex s'ils ont été chauffés. Et ça, ça arrive quand même assez souvent. Ouais. On parle parfois de faciliter la taille. Voilà, on retrouve souvent des silex en foyer. Alors, un petit mot aussi très rapide quand même, hein, sur le principe. Je vous ai dit cette fois, c'est pas une histoire de décroissance radioactive qui va nous intéresser directement, c'est quels effets ont eu cette radioactivité sur nos objets. Alors, vous voyez des petits grains de quartz en haut, une dent de cheval fossilisée et un silex, imaginons, chauffé. Ils ont ça en commun que tous ont accumulé au cours de leur vie de la radioactivité. Mais vraiment naturelle, hein, comme nous, on pourrait en accumuler. Sauf que tant que vous êtes exposé à la lumière ou que votre objet est chauffé, c'est comme si quelque part vous remplissiez un bol avec un robinet d'eau, mais qu'il était troué. Donc quelque part, vous n'avez rien à mesurer. L'intérêt, on va prendre le cas des grains de quartz, c'est qu'une fois que vous avez votre couche de dépôt sédimentaire qui est recouverte par d'autres dépôts sédimentaires, à ce moment-là, vos grains de quartz, ils sont à l'abri de la lumière complètement, et bien ça va quelque part boucher le trou de votre bol et vous n'allez faire qu'accumuler la radioactivité. Voilà. L'idée simplement, c'est quand on va prélever ces échantillons sur le terrain et en laboratoire, on va essayer de mesurer cette quantité de radioactivité accumulée dans notre bol. Voilà, ça c'est le principe. Et ça c'était vraiment, c'est pour ça que peut-être que vous me reconnaissez, c'était vraiment ma spécialité d'étude. Ces deux photos, elles visent à montrer qu'il y a à la fois beaucoup de travail sur le terrain, parce qu'il faut la mesurer sur le terrain, cette radioactivité aussi, et beaucoup de travail en laboratoire. Et si vous avez une lumière rouge, parce que je vous l'ai dit, dès que vous exposez à la lumière ou à la chaleur, cette énergie, elle s'en va et votre information, elle est perdue. Donc on est obligé de travailler dans des conditions dans le noir pour pouvoir la mesurer. Alors, je vous ai dit, l'avantage de ces méthodes, c'est qu'elles s'appliquent à un champ très large. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'elles sont très complexes à mettre en œuvre. Donc il y a beaucoup, beaucoup de recherches vraiment fondamentales pour essayer de les développer, ces méthodes. Mais encore une fois, j'ai essayé de rester vraiment sur l'actualité vraiment de l'archéologie. Peut-être l'étude la plus récente et la plus marquante qu'on ait eue, elle date d'environ un an. C'est une équipe donc du Max Planck Institute d'Allemagne qui a découvert des fossiles d'Homo sapiens dans ce site marocain de Jebel Iroud. On avait pendant longtemps beaucoup de mal à positionner ces crânes dans le temps, à la fois parce qu'ils avaient un caractère très archaïque d'un point de vue anthropologique, mais que les premières tentatives de datation les mettaient plutôt autour de 40 000 ans. Mais plutôt autour, parce qu'alors là, c'est typiquement pas l'Est africain, on n'a pas de volcanisme. Vous pouvez imaginer en voyant cette photo, comme la géologie est complexe. Là, c'est pas de la terre, des objets, de la terre, de tout a bougé, etc. C'est très compliqué à comprendre. Par contre, on a utilisé cette méthode de la luminescence dont je vous parlais, sur des silex chauffés, couplé à une autre méthode, et toutes les deux ont abouti au résultat de 300 000 ans pour ces objets. Attention, c'est pas les crânes directement qui ont été datés, c'est vraiment les objets associés aux crânes. Voilà. Et ça, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais 300 000 ans pour des crânes d'Homo sapiens, ben ça nous recule de même plus de 100 000 ans ce qu'on imaginait des premiers Homo sapiens. D'ailleurs, encore une fois, on les imaginait aussi beaucoup dans le sud-africain ou est-africain. On parlait de 120 000 ans il y a encore à peine 2 ans. Donc ça, c'est vraiment une découverte majeure. Et c'est vraiment quand même la datation qui en fait une découverte majeure. Parce que jusque-là, on tâtonnait un petit peu. Voilà pour cette partie. On va refermer aussi ce bloc de datation pour entamer le dernier point. Le dernier grand domaine de l'archéométrie qui va s'appeler la caractérisation. Bon, c'est un peu... c'est très vaste parce qu'on pourrait avoir des tas de sous-titres, en fait, pour ce domaine-là. Caractérisation, ça va vouloir dire... on a vu un petit peu comment prospecter des sites, comment dater des sites. Maintenant, comment caractériser des objets. Ça veut dire comment ils ont été fabriqués, d'où ils viennent. On aimerait tout comprendre. Quelle est la technique qu'il y a derrière? Qui l'a façonné? Comment? C'est toutes ces questions. Et ça peut aussi être comment restaurer des objets. Donc par exemple, je vais vous montrer déjà un exemple de restauration et d'application archéométrique sur un sujet comme celui de peinture murale du château de Bannes qui date du XVIe siècle. Et à droite, vous en avez une représentation. On voit qu'elle est très abîmée, cette peinture murale. L'idée, c'est évidemment de la restaurer. Alors la restauration, c'est un domaine qui a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup bougé. Auparavant, il y a eu des philosophies très différentes là-dedans. On a pu avoir à certaines époques assumé le fait qu'on pouvait restaurer et ne pas être très fidèle. Aujourd'hui, on est plus dans une époque où toute restauration doit être réversible et aussi vraiment justifiée, appuyée d'outils scientifiques et de données. Donc là, typiquement, regardez, si on fait un zoom sur cette représentation qui s'appelle le forgeron nègre, vous arrivez à voir un peu les contours de l'image. Eh bien, mes collègues qui ont travaillé sur ce sujet se sont quand même demandé si cette carnation de peau foncée, forgeron nègre, était vraiment d'origine ou une altération peut-être de la peinture initiale. Donc pour ça, ils ont fait des prélèvements, des micro prélèvements. Ça donne ça, ces petites images. La première chose à faire, c'est de regarder ça en microscopie. Déjà, ils avaient un indice. Vous voyez, on voit des couches différentes. On voit du blanc et quelque chose de plus foncé. Et ensuite, on est allé un peu plus loin que l'observation microscopique. On a utilisé un autre appareil qui s'appelle un microscope électronique à balayage. Ça, on le voit très souvent dans les reportages. C'est aussi très utilisé en police scientifique, par exemple. Les outils sont assez identiques. En bas à gauche, vous pouvez voir comment ça se passe à l'intérieur. En fait, vous envoyez un faisceau d'électrons avec une très grande énergie sur votre objet. Et c'est ce qu'on appelle l'interaction électron-matière. Ça va complètement remuer, si vous voulez, vos atomes. Et vos atomes vont donner une réponse énergétique que l'on pourra mesurer et interpréter, avec des spectres comme vous avez à droite. Donc typiquement dans cet échantillon, on a repéré du sulfure de plomb et du carbonate de calcium. Bon, j'imagine que vous, ça vous parle pas trop. Sauf qu'on sait que l'oxyde de plomb, la platinérite notamment, peut être une altération du blanc de plomb. Donc là, mes collègues ont eu beaucoup, beaucoup d'éléments pour identifier le fait que cette carnation, à l'origine, elle était blanche. Donc il n'y avait aucune raison de l'appeler le forgeron nègre, d'ailleurs, cette figure. Et que dans la restauration, il s'agissait plus d'une altération, et que dans la restauration, il fallait donc rendre fidèle à l'œuvre originelle cette fresque, par exemple. Là où, quelque part, l'analyse stylistique aurait eu des difficultés à aller jusque-là dans l'interprétation. Par contre, si vous confiez ces échantillons, je vais dire, entre guillemets, uniquement à un chimiste ou quelque chose comme ça, aurait-il eu l'idée que peut-être c'était une altération? Il faut quand même que ce soit des spécialistes d'un peu tout qui mènent ce type de sujet pour arriver à ce type de conclusion. Alors, un autre exemple complètement différent dans ce grand domaine de la caractérisation, ça va être la recherche de provenance. Comme je vous disais, parfois, quand on retrouve un objet sur un site, on a envie de savoir évidemment d'où il vient. Ça permet de se poser beaucoup de questions sur la mobilité des peuples et des civilisations, sur leurs échanges. Voilà, donc repérer la provenance des objets, c'est vraiment une source d'information archéologique très importante. Encore une fois, on peut le faire avec le style, mais quand on est bloqué là-dessus, les outils scientifiques vont venir beaucoup nous aider. Il y a une application qui est très répandue, c'est celle de l'obsidienne. Vous voyez ce que c'est, hein, l'obsidienne, on s'en sert même encore aujourd'hui parfois en chirurgie, tellement on peut faire des découpes fines. Voilà, donc c'est une roche type comme un verre volcanique, souvent noir comme ça, donc très tranchante. Et depuis l'époque préhistorique, ce matériau, il est utilisé quand il est à disposition comme outil pour façonner des outils. Là, on a une très belle étude qui a été menée sur des vestiges retrouvés dans le Pacifique, où, voilà, on est parsemé d'îles, et évidemment, sur des époques, certaines époques, on se pose la question de savoir s'il y avait une seule et unique civilisation ou plusieurs petites tendances, etc. Donc on a pu retrouver beaucoup, beaucoup d'échantillons en obsidienne. Et l'idée, c'était... Alors, je vous fais pas lire en fait les diapos précédentes parce que c'est peut-être un peu lourd, je préfère vous l'expliquer. Le grand intérêt de l'obsidienne dans la recherche de provenance, c'est que il est volcanique et il va du coup avoir une espèce de petite signature de l'endroit où il provient. En fait, l'obsidienne, c'est essentiellement de la silice, 99,999% de silice. Par contre, vous avez des éléments traces qui vont être très spécifiques de l'endroit où ils viennent. Donc évidemment, c'est ça qu'on va vouloir mesurer pour identifier ces sources. Et ça, c'est assez spécifique à l'obsidienne. Par exemple, vous ne pouvez pas faire la même étude sur le silex, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors ici, vous voyez, on n'a pas toujours des gros spectromètres comme on a pu le voir pour le carbone 14. Ici, c'est vraiment un spectromètre de fluorescence X qu'on appelle portable. Donc ça a un petit peu ses inconvénients, mais l'avantage, c'est non destructif. Hein, vous arrivez, vous flashez avec votre pistolet et vous avez déjà une réponse en termes d'analyse. Et puis là, je vous ai représenté un peu ce que j'explique depuis le début, toujours la même histoire. Pour repérer vos éléments traces, donc vos atomes, par le faisceau de rayons X que vous allez envoyer via votre appareil, vous allez perturber le nuage électronique de ces atomes. Il y aura un réarrangement, en fait, de ces couches. Et ça va libérer de l'énergie. Cette énergie, on arrive à la mesurer. Et elle est toujours, toujours spécifique d'un atome. Voilà. Donc grâce à ça, on peut avoir ce type de représentation. Vous voyez, par couleur, on a des grands lots, en fait. Là, on mesure le strontium et le magnésium. On va avoir des grands lots. Si bien qu'on arrive à dessiner des sources différentes. Ça, c'est un travail vraiment préliminaire qui a été fait en allant d'île en île, de source en source, récupérer des échantillons et en les mesurant. Et on voit qu'on arrive à ce qu'on appelle les discriminer, c'est-à-dire les identifier. Alors derrière ces mesures, il y a beaucoup de travail parce que par exemple, avant de dire que vous avez le droit de tracer un cercle autour d'un lot de résultats, eh ben, il y a beaucoup de travail même mathématique et de statistique derrière. Alors ça, dans les conférences d'archéométrie, vous avez des grandes batailles là-dessus. Mais non, tu n'avais pas le droit de dire que c'était pas la même source, etc. Mais c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on va faire de ces données au final? Quand on aura des échantillons archéologiques, on va essayer de les remettre dans des cercles. Donc les conséquences sont importantes sur les résultats. Ça, c'est même des sous... le résultat de discrimination de sous-sources d'une même île, en fait. Voilà le niveau de précision qu'on peut atteindre. Et enfin, je vais vous parler... d'un dernier exemple que je trouve assez sympathique et facile à comprendre. Le grand domaine de la caractérisation va nous aider aussi à retrouver des techniques de fabrication. Ici, on a un trésor, le trésor de Pirchdorf. J'arrive jamais à le dire, donc je vous laisse le lien. Découvert en Alsace en 2005, On pouvait déjà soupçonner au rayon X que parmi ce trésor, il y avait peut-être des fausses et des vraies monnaies, même d'époque, hein, des faussaires d'époque, hein. On s'entend bien. Donc voilà, mais l'observation se limite à ça. On peut l'imaginer. Et là, vraiment, les méthodes de l'archéométrie ont beaucoup aidé. Ici, c'est ce qu'on observe en rayon X, donc les suspicions de fausses monnaies. On utilise à peu près le même principe, là on est en pix, ça veut dire qu'on fait une mesure en laboratoire. On va toujours essayer de mesurer ces atomes. Vous voyez, en bas, l'axe, il vous mesure l'argent, la quantité d'argent qu'il y a. Et puis l'axe vertical, il vous donne la quantité de cuivre. Et vous voyez que vous avez tout un lot de petits points violets, qui vous donnent un lot de monnaie où il y a une certaine quantité d'argent, et tout un lot de petits points bleus sur l'axe vertical, où l'argent il est à zéro. Donc voilà, ça c'est vraiment le lot des fausses monnaies. Il y a eu une argenture artificielle qui a été faite. Bon voilà, hein, les mêmes principes que pour faire des faussaires. Donc c'est quand même une étude très intéressante qui allait un petit peu plus loin aussi de voir comment, à partir de ça, alors quelles étaient les pratiques des faussaires. Là je ne l'ai pas présenté, le temps est un peu court pour nous. Mais avec un microscope électronique à balayage, la personne en question a réussi aussi à retrouver les techniques de fabrication de ces argentures pour fausser les gens. Voilà, on a fait un tour très très général. Peut-être une seule chose à retenir en bilan, c'est que toutes ces méthodes de l'archéométrie, je ne les ai pas toutes présentées, hein, on est d'accord, mais elles sont quand même aujourd'hui vraiment incontournables quand on parle d'archéologie. Par contre, j'insiste encore là-dessus, elles le sont, mais elles ont un intérêt uniquement si on travaille de manière interdisciplinaire. Parce que chacun dans son coin, le géologue dans son coin, le chimiste dans son coin, l'archéologue dans son coin, ça n'ira pas. Il faut que tout le monde soit un peu tout pour que vraiment la discussion puisse être fluide. Et d'ailleurs, ça se voit dans les publications actuelles. Elles sont toujours signées par beaucoup de personnes. Mais c'est parce qu'elles sont signées par beaucoup de disciplines différentes qui s'accordent à tirer les mêmes conclusions sur certains sites. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, je ne sais pas combien de temps on a mis. Pile! Je peux poser une question? Bien sûr. C'est à propos des crânes de 300 000 ans. Oui. Rassurez-moi, ils ont été reconstitués quand même. Enfin, il n'y avait que des petits morceaux. On les a reconstitués. Parce que pour avoir. Parce que les dents, Oui. quand on fait des fouilles archéologiques, on trouve beaucoup de dents, Oui. mais on ne trouve pas souvent. L'os a disparu. Ah oui, alors ça va dépendre beaucoup des conditions de conservation. Par exemple, on Et sait que. ça, Oui, mais 300 ça c'est millions. une reconstitution 3D. Hein. Ah bon. Voilà. Mais ce n'est pas l'âge qui va vous donner l'intégrité du matériau que vous retrouvez. Par exemple, en Bretagne, on sait que les sols sont très acides. Ah oui, Et voilà. donc, même des sépultures du médiéval, vous avez très peu de chances de retrouver les ossements. Inversement, dans l'Est africain, quand la fossilisation est optimale, Eh ben, on a retrouvé Toumaï, Oui, Lucie, aussi des morceaux, voilà. mais enfin, oui. Donc c'est Oui, vraiment pas d'accord. l'âge. Ouais, Mais c'est un. Alors c'est une reconstitution, mais quand même il y avait un très bel ensemble à Djebel Irhoud de vestiges humains. C'est d'ailleurs aussi pour ça, un petit peu, vu l'état de conservation, etc., que l'âge était aussi étonnant quand même. Oui, c'est ça. Merci. Avec plaisir. Il a plutôt un air de Néandertal que d'Homo Ah, sapiens vous à cause trouvez? des. À cause des quoi? Ah ouais, des bourrelets susorbitaux. Eh ben, malheureusement, j'ai pas de photo de Néandertalien, mais quand même, si je vous le mettais à côté, ça ferait une grande différence. Alors là, on est dans Homo sapiens et archaïque, hein, vraiment. Donc c'est complètement une autre branche que celle de Néandertal, parce qu'en plus, ici, on est en Afrique, et Néandertal, en Afrique, on n'en a pas. C'est européen. Oui. C'est que en Europe. Donc, évidemment, les anthropologues aussi se sont demandé s'il ne s'agissait pas d'une espèce à part. Mais aujourd'hui, ils tendent à plutôt dire que non, on serait sur l'origine des Homo sapiens. Mais il y a beaucoup de caractères morphologiques qui sont quand même très, très sensibles. Je suis d'accord avec vous, ça peut être difficile d'identifier. Ouais. Quand vous avez des couches successives et que vous prélevez dans une couche profonde, est-ce que les couches supérieures ne polluent pas ou n'ont pas pollué la mesure que vous pouvez faire sur une couche qui est en dessous? Oui, ça peut. Parce qu'en fait, le cas idéal des couches, alors du plus ancien en bas et du plus récent en haut, c'est quasiment jamais. Jamais, ouais. Alors tout simplement, c'est très facile de le comprendre avec la végétation. Si vous avez des couches successives, mais que vous avez un arbre avec ses racines, rien que les traces laissées par ses racines vont faire des conduits d'éléments récents qui vont tomber dans les couches anciennes. Et ça, du coup, dans les méthodes, quand je vous disais qu'on date les grains de quartz, en fait, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, on va dater grain par grain. On va donner un âge grain par grain. Et ensuite, on va essayer de voir comment ces âges se dispersent. Et on va essayer de repérer, du coup, des composantes de pollution pour les enlever de nous. Ouais. Donc, c'est très, très fin. Parce que si vous faites une moyenne de tout, évidemment, vous aurez tendance à rajeunir. Mais comme on a conscience de ça, et que dans le prélèvement... C'est pas visible, en fait, parfois, vos pollutions, elles sont... Vous pouvez pas les soupçonner. On peut essayer de le voir au maximum à l'analyse, par contre. Le prélèvement prend une importance aussi grande que dans une scène de crime. Exactement, ouais. C'est les gants, c'est... Voilà. Et c'est toujours le spécialiste de la méthode qui va prélever. Sinon, ça se passe jamais bien. Ah oui. Ouais. Parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Mais c'est pas lui qui découvre. Ouais, non, généralement. Et c'est aussi une question beaucoup de temps, parce que une datation comme celle-là, je vous dis, c'est les résultats sont sortis l'année dernière, mais c'est un laboratoire où j'ai travaillé en Allemagne il y a quelques années, et ils étaient en train d'étudier ces échantillons il y a quelques années. Donc ça peut être très très long. Ouais. Et très long dans le processus et très long dans la vérification. Parfois, on a des doutes, on retourne sur le terrain, on reprend des échantillons et on va aussi, par exemple, poser des dosimètres. Donc, on va poser des quartz artificiels sur le terrain pour faire en sorte de vraiment mesurer la radioactivité qui va accumuler pendant un an. Donc là, on a ce temps incompressible, on est obligé d'attendre un an, par exemple. Voilà. Exactement. Oui. Chez nous, bon, pour Roland, mettons, hein, oui. On a retrouvé du silex, mais on sait très bien que tout autour de Cambo, il n'y a pas de silex. Donc oui. On est obligé, il n'est pas très loin le silex, oui. Mais quand même, il y a quelques kilomètres. Oui. Donc là, bon, on peut dire que ça vient peut-être de la soule. Où ça vient du barétus, où il y a du silex. Alors, sans aller jusqu'à des méthodes aussi pointues voilà, que ça, voilà, en Pays Basque, ce qu'on a, c'est on en a beaucoup sur le plateau de Saint-Pierre-d'Irube, Mouguère, etc., du silex. Et il est si spécifique dans sa couleur, ses vénures, etc., ah, voilà, que ça reste assez facile de trouver la provenance, surtout sur des périodes comme celle d'Ola. Oui, 40, 50 000 ans, ça reste à préciser justement. Oui. D'ailleurs, ça serait un très beau projet, on aimerait beaucoup pouvoir le refouiller ce site. Tout à fait, oui. Alors là. Mais ça aussi, ça prend du temps. Mais là, c'est une question d'institution. C'est bien, il est protégé par la végétation, ouais. Donc c'est la meilleure des protections. Oh là, c'est un, pour peut-être ceux qui ne le sauraient pas, c'était un site à Cambo-les-Bains. Voilà, qui est très étudié, qui a été fouillé il y a peut-être un siècle, un peu plus. Donc, dans le bac Cambo, voilà, à côté de la gare, on va dire. Ouais. Mais il mériterait d'être fouillé. Du ruisseau qui s'appelle Ola. Voilà. Tout à fait. Et donc, il a un grand intérêt, ce site, parce que... On est sur cette période un peu tension, en tout cas pour les préhistoriens, où on sait qu'on est sur la fin des Néandertaliens, mais aussi le début des hommes modernes en Europe. On sait qu'au Proche-Orient, ils se sont rencontrés. On sait d'ailleurs qu'on a un petit peu de Néandertal en nous. Oui. Donc, ils se sont bien rencontrés. Et par contre, ici, dans nos régions occidentales de l'Europe, on ne sait pas s'ils ont vécu en même temps, ces deux espèces. Voilà. Donc, du coup, des sites comme Ola, Isturit, ils sont en plein dans ces problématiques. Et en plus, ben, quelque part, c'est le bout du monde. Depuis le Proche-Orient, ici, on est au bout du monde. Mm-hmm. Voilà. Toujours une question d'échelle. Et les industries lithiques qu'on a retrouvées à Ola, elles sont appelées vasconiennes. Jusque-là, parce qu'elles ont vraiment une technique, c'est des petits hachereaux en fait, pour entrer dans les détails, une technique très particulière qu'on retrouve, bon, de part et d'autre des Pyrénées quand même, mais sur un cercle assez réduit, peut-être autour du Pays Basque. Mais ça, c'est des études qui sont en cours aussi, et qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est, alors, du coup, dû à la qualité de la matière première? Qui fait qu'en fait, avec ce type de matière première, bon, ben, le plus pratique, c'était de faire comme ça. Dans ce cas-là, ça n'a rien de culturel. Mm-hmm. Voilà, ça, c'est en cours. C'est des questions en cours. Donc, ça mériterait d'être fouillé pour ces raisons-là. Ouais. Merci. Merci. Merci. Merci.